Délégation de pouvoir et mandat social. Une délégation de pouvoir, aussi large soit-elle, consentie par le président-directeur général d'une société anonyme à un directeur salarié et administrateur, n'a pas pour effet de conférer à celui-ci la qualité de directeur général de la SA pour assumer une partie du passif social en tant que dirigeant. A contrario, un directeur général de SAS disposant de pouvoirs identiques à ceux du président a la qualité de dirigeant de droit, même s'il a aussi été investi d'une délégation de pouvoir en matière de gestion des ressources humaines. Dès lors, la qualité de dirigeant de droit étant reconnue, l'action en comblement de passif doit être jugée recevable.